voici votre bulletin régional. La table de concertation des personnes aînées du Haut-Saint-François vous invite à des déjeuners-rencontres sur le thème « En vieillissant, tout le monde veut votre bien, mais quel bien? Gérer, utiliser ou donner ses biens. » Un premier aura lieu le 3 mars, dès 8h30, au restaurant Le Cordial, 37 rue Main, Dodwell, secteur Bishopton. Un deuxième, le 5 mars, dès 8h30, au restaurant Le Sawyer, 98 rue Cookshire, Sawyerville. Le Centre des femmes La Passerelle célèbre la Journée internationale des femmes le 4 mars à 17h à Whedon. Première clinique impôt, offerte gratuitement par le Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François à Whedon, le 4 mars, de 9h à midi et de 13h à 16h, au Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François, 209 Des Érables, local 314. Première clinique également à Sawyerville, le même jour, de 13 à 16 heures, à la salle communautaire de Sawyerville, 6 rue Church. Aussi, première clinique impôt à Cookshire, le 5 mars, de 9h à midi, au centre d'action bénévole, 57 Craig Nord, au local du journal. Critères d'admissibilité, une personne seule, 25 000 $, un couple, 30 000 $ et 2 000 $ pour chaque enfant à charge, un adulte avec enfant, 30 000 $ et chaque personne à charge supplémentaire, 2 000 $. Maximum 2 000 $ d'intérêt. Aucun revenu de location ou de travailleur autonome ne sera accepté. À Istinguis, on offre un souper animé au coût de 10 $ le 4 mars en l'honneur de la Journée internationale des femmes. Information 819-877-3423.